Exercice 2, page 135. A. Tu bois de l'eau ? B. Il est à vous ? C. Prends un bain chaud. D. Ce sont leurs habits. E. Il y a beaucoup de vent.